Chapitre 11. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? C'est bien difficile à démêler, après 19 siècles, dans le tissu des invraisemblances et des contradictions évangéliques. Ce qu'on peut relever, c'est que seul des 12 apôtres, Judas était judéen et non galiléen. Peut-être avait-il conservé un vieux levain d'hostilité particulariste. Rien ne dit qu'il ne s'est pas mis au nombre des apôtres dans le but d'espionner et de perdre le prophète de Nazareth. Les prêtres, après la mort de Jean le Baptiste, ont très bien pu employer à cet usage ce citoyen de Kériote. De même qu'après les premières violences de Jésus lors de son entrée à Jérusalem, il est vraisemblable que, voulant corrompre un des apôtres pour se débarrasser de leur maître, il se soit de préférence adressé au seul qui fut judéen comme eux. Entre le prophète nazaréen et la cléricature, c'était une guerre à mort depuis qu'il avait osé toucher à la source de leurs revenus immoraux. On peut tenir pour certain qu'il en sera de même aujourd'hui contre ceux qui dévoilent les escroqueries de saint Antoine de Padoue et de Lourdes si la prêtraille détenait le pouvoir. Par exemple, il est un fait sur lequel il ne saurait y avoir de doute, c'est l'ingratitude et la lâcheté de ses apôtres dont l'Église a fait des saints. Le plus lâche, au dire de l'Évangile, c'est Simon-Pierre, devenu la pierre angulaire de l'Église romaine en même temps que voleur et assassin. Voir, dans les actes, la mort d'Ananias et de Saphira. Ces apôtres qui auraient assisté au prétendu miracle de leur maître, qui croient qu'il est le Messie, s'enfuient et le laissent seul lorsque les prêtres et les soldats romains viennent l'arrêter. On l'emmène, Pierre le suit de loin, et s'assied dans la cour de la maison où on l'a conduit. Interrogé s'il est de la compagnie de Jésus, il le renie par 3 fois, et alors le coq chante ainsi que le prophète l'avait prédit la veille. Il n'y a qu'un inconvénient pour la vraisemblance de cette anecdote évangélique, c'est qu'à cette époque, coq et poule n'avaient pas encore été introduits en Judée. Effectivement, l'Ancien Testament est muet sur ce gallinacé dont le nom n'existe pas en hébreu.